Ça vous fait rire? Vous n'avez pas honte? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de « Et vous trouvez ça drôle vraiment ?» podcast sur les comédies françaises où nous souffrons devant les créations françaises et mon ami Flo ne me démentira pas là-dessus. Salut Flo. Non, salut. Non, c'est vrai qu'on souffre, même si, bon, le but de départ, c'était pas forcément ça. Le but, c'était de voir des comédies françaises et de dire si elles sont drôles ou pas. Et là, effectivement, je pense que tous les deux, on prend un malin plaisir à jouer à un petit jeu dangereux, hein, j'appellerais ça comme ça, qui est un tennis où on se renvoie la balle étant des films de merde. Voilà. Exactement. Bah, c'est pas impossible que ça continue aujourd'hui. Alors déjà, prévenons nos auditeurs, ils l'ont peut-être vu dans le titre de l'émission, on est sur un format particulier, c'est-à-dire qu'on va faire un commentaire audio d'un film, et pas n'importe quel film, puisqu'on a choisi Le Baltringue. Et pour ça, on pouvait pas rester à deux. Il fallait qu'on s'adjoigne la science, le talent de quelqu'un qui maîtrise ce que sont les mauvais films, notamment les nanars. Et on accueille Rémi de Nanarologie. Salut Rémi. Je suis ravi d'être là, mais je le dis maintenant parce que à la fin du film, je serai plus ravi d'être là. Donc voilà. Merci de me recevoir. À la fin du film, allez vous faire enculer, voilà, tout simplement. Donc Rémi, on va bien sûr faire un montage. pour sa seule participation à sa vie, c'est drôle. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, il y a pire que ce film. Oui, c'est sûr. Comme on est le 15 janvier, on va souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs. Et oui, bonne année à vous. Voilà. Plein de films français. On a décidé de commencer fort. D'ailleurs, et puis le 15 janvier, c'est la Saint-Rémy, donc c'est ma fête. Donc bonne fête à moi-même. Double c'est fête. Vraiment incroyable. Mais bonne fête, Rémy. Merci beaucoup. Et je suis ravi qu'on passe le 15 janvier devant le Baltrin. Ça va être super. J'ai pas du tout envie de mourir en ce moment, c'est parfait. Donc pour ceux qui connaîtraient le film par cœur, évidemment, ils peuvent écouter ce commentaire audio dans leur voiture sans aucun problème. Et qui êtes-vous? Pour ceux qui ne le connaissent pas, comme moi, c'est mon dépucelage aujourd'hui, je vous conseille de regarder le film en même temps que nous écouter. A priori, ça vous aidera normalement à passer un meilleur moment. C'est ce qu'on m'a dit, normalement. Pas être sûr. Flo, Rémi, vous avez tous les deux déjà vu ce film? Oui. Malheureusement, oui. Est-ce que avant de commencer, il y aurait éventuellement un disclaimer, des choses à savoir, prévenir, d'un quelconque problème ou autre? Alors, en vrai, si vous n'êtes pas fan de Vincent Lagaffe, il faut le dire, ce film c'est de la torture, ça va être du waterboarding pour vous. Film s'adresse vraiment aux grands fans de la façon d'animer qu'a Vincent Lagaffe. Donc si vous êtes pas la peine. C'est la même personne en fait. Et on a affaire à ce que j'appellerais un one man show en fait. Sauf que là, il y a d'autres acteurs qui sont autour. Ça se passe dans des décors entre guillemets naturels. C'est pas sur une scène. Mais sinon, globalement, c'est le one man show de Vincent Lagaffe. D'ailleurs, si un jour vous faites les One Man Show, on peut faire le commentaire du spectacle d'Arthur ensemble, avec grand plaisir. Qui est une autre forme de torture dans certains pays, hein, bien sûr. Eh bien, je pense que, franchement, moi, ça me plairait de faire... on peut y aller sur Jean-Marie Bigard aussi, tant qu'on y est. Je regrette tout de suite de ce que je viens d'enclencher, hein, je suis désolé. À ce moment-là, on part aussi sur Julien Courbet, les gars, vraiment. Oh, c'est vrai qu'il avait fait un truc, lui. Oh putain, on peut partir sur le spectacle, le téléfilm de Stéphane Plaza où il est possédé par Albert Einstein aussi. Qui Albert a un vrai Einstein, truc. Oui. Ouais. C'est pour ça, le Baltringue finalement, t'es en mode, ça va, tu vois, c'est horrible, mais ça va. Tout ça ferait passer des vrais nanars pour des chefs-d'œuvre en fait. Mais tout à fait. Là, je le dis d'avance, on n'est pas dans un nanar, hein, mais on est dans un truc un peu hallucinant quoi. Je pense que tu regardes Doute, Chronique du sentiment politique après, et t'es ah mais quel génie, c'est super. D'ailleurs, bah, c'est parfait. J'en profite pour faire un tout petit peu de pub parce que c'est voilà. Vraiment l'alignement des planètes. Puisque le 1er janvier, donc là, ce moment-là, c'est déjà sorti. On a fait la lecture du script de Doute, chronique du sentiment politique. On a fait les voix de toute l'équipe, on est quatre, on a fait les voix des personnages. Et du coup, ça fait un beau bébé de 3 heures qu'on a pris beaucoup tu de plaisir pas à enregistrer. Que... De Canton Suisse, hein. Exceptionnel. Non mais en fait j'avais oublié à quel point. Alors ça c'est une des bonnes répliques. Mais vraiment quand on a lu vraiment le truc en intégralité, c'est une mine d'or à petites phrases qui ont extrêmement mal vieilli. Parce que vraiment ça se voit que ça a été écrit en 2013 et là quand t'es en 2024 qui était un peu de recul, ça donne une saveur. Supplémentaire. Je pense que vous pourriez vraiment le faire sur votre podcast aussi, parce que pour moi, c'est une comédie. Hein, vraiment. Et lui, on se marre. Oui, clairement, on rigole. On a dit comédie, hein, après, tout ce qui est comédie dramatique, tout ça. Je pense qu'on peut le mettre dedans aussi. Hein. Oh là là. Sinon, et vous trouvez ça drôle vraiment? Je ne suis pas sûr. Et on vous invitera sur son analogie pour faire les gaous un jour. Je sais pas quand, mais je préfère vous prévenir d'avance. On va faire les gaous ensemble. Je suis obligé de re-regarder ce film. Yes. On l'a déjà fait pour Kaski, putain. C'est... Ouais. Ah putain, c'est vrai. C'est vrai que vous l'aviez fait pour Kaski. Ah ouais. C'était un enfer, un enfer. Et bien sur cette belle introduction. Je propose qu'on se lance pour les 1h19 et 20 secondes du film. Yes. Ça va être court mais intense. Ouais, évidemment. Eh ben, je vous donne le décompte, les gars. Allez, parfait, c'est je suis prêt. 3, 2, 1, play. Alors, nous, on regarde une version tout à fait officielle, hein, puisque c'est pas du tout une release de ces stars. Qu'on a téléchargé illégalement. Ça veut dire qu'il a été diffusé sur ses stars quand même. Hein. Déjà. Ouais. Merci Vincent Bolloré. C'est pour que Canal récupère des sous, je pense. Même si bon, pas ouf. Ils en ont besoin en ce moment. Ah voilà. Donc un film qui a été tourné dans les années 90 visiblement. Et non. Et non. 2010. Et voilà. Je sais pas pourquoi ils ont prétendu qu'il avait des cheveux dans au début dans ce truc-là. Je sais pas, c'est... Wesh, présente. Ça démarre direct comme ça avec un téléachat, quoi. Oh, vache. Ah bah oui, non mais t'es pas prêt, on t'a prévenu. Le film est velu, oui. Un pistolet micro. Ouais, c'est Nagui ou quoi? Ah ouais, c'est Nagui, ouais. D'après une idée originale de Vincent Lagaffe. Avec Vincent Lagaffe. Un film de Cyril Sébas qui a pour autre fait d'armes le fait d'avoir fait Gomez et Tavares. Voilà. Ça vous place un personnage. Ça, et sinon, il a fait ça, c'est tout. Et c'est bien qu'il se soit arrêté après ça. C'est... Oui, c'est bien. Sois humble. Donc voilà, là on est vraiment sur du Luc Besson corps, là. C'est la partie action un peu. Y a pas un mec connu dans le casting? Oh, si, il y a Vincent Couchard. Ouais, alors en vrai, il y a Vincent Lagaffe quand même. Un peu de respect, s'il vous plaît. Ouais. Il a animé le Big Deal, hein, c'est pas pour rien. Hein. Excuse-moi. Le Big Deal d'ailleurs, qui est de retour en 2025. Tout à fait. Alors je sais pas quand est-ce que ça reprend, donc ça se trouve ça a pas encore repris au moment où on a ça qui est diffusé, mais... Je ne sais pas. Oh, ah, c'était drôle parce qu'il y avait... Il balance toutes ses montres dans le... C'est ça. Il dort mal, hein. Il faut quand même le rappeler. Le micro joue mieux que lui. C'est un problème. Ah bah ça... Waouh! Donc, ah oui! Là, pour montrer un peu le niveau de mindfuck, un peu de ce qui se passe, vu le film, tu penses, vu la diégèse, tu penses qu'il est en train de rêver de ce qui se passe, toi. Oui, c'est ça. Oui, oui. Sauf que pas du tout. Sauf que pas du tout, c'est littéralement en train de se passer. Oui, ça se passe vraiment. Oh nom de Dieu! Mais c'est pas filmé comme si ça se passait. Et là, on est clairement dans un truc jeu vidéo où il se bat contre des boss. C'est ça. Mais des boss moisis. Ouh, pas de sexisme. Merde. La patate est aux hommes et aux femmes. Oh là là, d'ailleurs, oui, le coup de coude là. C'est bon, on voit. Ça l'a pris cher. Le film n'est pas MeToo, hein. MeToo, wow, exactement. Ah non, ouais. Clairement. Mais qui a une sulfateuse dans son bureau ? Ah bah moi. Tony Montana. Mais j'ai... C'est vrai, Tony Montana, ouais. Ah, j'ai tiré avec ça aux États-Unis, c'était top. Ça, je veux bien te croire. Bah tu vas nous faire la fiche technique de cette arme. Oui. Parce qu'on va pas avoir grand-chose à dire, sinon. 47 pigeons ont été tués sur cette scène. Et voilà, c'était pas la gaffe, en fait. Voilà, donc on nous prétend que c'est un... Ah, mais c'est un double la gaffe, en fait. One Vincent, tout Vincent, tout la gaffe, le fameux... Ouais. Oh, oh oui, on est sur une cuite, il vient de finir le montage de son film, là. Très subtil, très subtil, le clin d'œil à James Bond, très subtil, putain. Ah, c'était ça, je l'avais pas eu la première fois. Ouais. C'est bien de le revoir, parce que vraiment, on se rend compte des détails. Le film est vraiment plus subtil qu'on dirait. Il y a plein d'easter eggs, quoi. Parce qu'en dessous, tu voyais dans le bandeau défilant... Putain, il me casse déjà les couilles, là. Plus 49, c'est exactement ça. Il me casse déjà les burnes, Vincent Lagaffe, là, dans ce film. Vous avez essayé d'appeler les numéros ? Parce que je suis sûr que c'est le numéro des producteurs dans les pays concernés. Je sais pas, peut-être. Allez, oh. Oh là des là, chiffres autant... et des mots. De l'originalité dans les noms d'émissions, c'est fou. Là, il a regardé la caméra, hein, on est d'accord. Oui, donc on est dans deux films qui brisent le quatrième mur. J'en peux plus de Vincent Lagaffe. Et le pire c'est que l'escalier. Je l'avais vu dans toutes les émissions télé. Je me souviens d'une émission sur TF1 où il venait faire la promo du film Le Baltringue. Tu fais, mais quoi ? C'est incroyable, hein. Ça n'a aucun sens. Oh là là. Mmh. Voilà. Mais... Ça n'a aucun sens. Il est insupportable, Vincent Lagaffe, dans ce film. Et en vrai, tu vois, là, j'attends qu'une chose, c'est qu'il chante. Bah, au moins, le lavabo, tu sais qu'il est beau, quoi. Grâce à Vincent Lagaffe. Les fauteuils peau de vache. Oh, c'était beau. J'aimerais bien te dire que c'est un film dans son jus, mais 2010, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai. Ouais. Ouais. Non, mais puis, il s'entraîne dans un hangar, et il y a un tatami, enfin, il y a des mecs en mitraillette, c'est n'importe quoi. Il y a des mini-jupes aussi. Ouais. Imagine, t'as 10 connects sur ton CV, et t'as le baltringue en même temps. C'est ça. C'est terrible, hein. De sa ambiance. L'autre, c'est caméra café, le oui, c'est le ça, balèze. Tout à fait. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Oula. Oula, c'est Vincent Bolloré ou quoi ? Allez. Oh, allez, bonne soirée. Donc tu le butes, clairement, ça sert à quelque chose. Ouais, je comprends. Voilà, déjà, ils viennent de chier sur la Haute-Normandie, déjà, c'est sympa. comment se couper d'un territoire entier ? Non, mais alors, c'est surtout que quand tu vois des films un peu comme ça, où bah, c'est un peu les agents secrets, tu te dis pas, bon, on va aller en Haute-Normandie. Oui. Bon. Faut que ça vende un peu de rêve, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, le temps des tempêtes. Le bon président. Bah oui. Le bracelet, on aime bien. Ok, voilà. Oui, on a compris la première fois du cidre avec des crêpes. C'est... Non, mais en plus, c'est un Belge qui se fout de la gueule de la Normandie. On en est où, là? C'est comme si Jess se foutait de la gueule de la gastronomie française. Quoi. Ah oui, non, mais c'est ça. Enfin, au bout d'un moment... Faut oser. C'est même ça qu'on les reconnaît. Hein. C'est dommage parce que tu veux pas passer. Putain, tu veux pas passer pour un connard. Oh là là. Tu veux pas passer pour un connard quand tu t'appelles Guy. Tu passes pour une vieille personne à la limite. Bah oui, c'est dommage. C'est tout. Ah, Lego. Même la gaffe. Lego à la télé, c'est terrible. Ouais. Pourquoi? Eh, hey, bravo pour hier soir. Merci. Eh, hey, je claque des doigts. Allez, ta gueule. Ouais. T'as vraiment le truc où t'as l'impression le mec il regarde pas. Enfin, je sais pas. C'est bizarre parce qu'il est en mode ah, je regarde toutes les meufs et t'as quelqu'un qui est vraiment très agréable à l'œil et il l'écoute pas du tout. Donc c'est même pas cohérent dans la vanne. Mais puis là, on est vraiment sur quelque chose de très très bien qu'on fait souvent en cinéma, c'est on lit, mais à voix haute comme ça quand on est tout seul généralement. Moi j'adore lire à voix haute, j'adore faire ça. C'est une vraie proposition. Ok. Quel beau montage. Ouais, on y croit vraiment qu'il y a eu un effort fait. Il est top. Ouais. On est Me Too, ouais, on est complètement Me Too là. Ouais. L'avez-vous reconnu? C'est Super Nanny. Ah non, la vache. Ouais, non, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle. Ah, quel con. Ah, 10 ans plus tard, ce rôle aurait été interprété par Audrey Lamy. Oui, c'est ça. C'est un film familial. Non, mais déjà... Oui. Oui, c'est ça. Donc il met une main au cul à la secrétaire, mais là, là il n'ose rien faire, c'est bizarre. Mais oui, c'est vrai, c'est ça, c'est pas, y a pas de cohérence. Ouais. Soit t'es un gros porc, soit t'en es pas un. Ben oui. Pourquoi? Et donc, un film moins de 10, familial, tout ça, on aime bien. Un conseil, regardez-le avec vos enfants après ce qu'on vient de voir. Voilà. Ouais. Ah, j'aime bien les écrans d'ordinateur qui n'ont aucun câble. Ah oui, ça c'est... Quelle cohérence. C'est une nouvelle technologie. Oh là là. Le répéter deux fois ne rend pas le truc drôle. C'est ça le problème du film, parce que lui, il va être tenté 17 fois de faire la vanne, donc... Ouais. Ça fait que 12 minutes, t'en ressentis une demi-heure. Oui. On avait prévenu, hein. Il reste plus d'une heure. Oui, il reste encore 1h05. Ah, Marianne James. Oh. production TF1, ils ont même pas fait appel à des gens de la Starac, quoi. Non. Ah non, c'est pas une production. Enfin, ouais, ils ont TF1 a dû mettre des thunes, je pense, oui. Oh, ouais, mais c'est surtout un film Studio Canal. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais qui regarde du THA dans une salle de classe? Bah oui. La fameuse ménagère. Donc ça c'est le ressort comique, hein, on est d'accord. Oui. Alors ça c'est surtout les effets spéciaux en 2010. Ouais. En France. Oui. Ah. Cette fameuse scène. Le montage, il est honteux. C'est quoi ce montage? Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Et la voix off. Le montage et la voix off. La voix off, putain, elle est catastrophique. C'est un sens interdit. Oh, ouais, putain, bah non. C'est le premier plan séquence, non plan séquence, que je regarde de ma vie. Ah! Ah, Noom Diawara. Ouais. Ça n'a aucun sens. Non, vraiment. Puis en plus, ça reviendra jamais, donc c'est même pas un fusil de Tchekhov. C'est rien. C'est ça. Oui, voilà, spoiler, le vélocintre ne reviendra pas dans l'histoire. Mais par contre, à Nantes, les Vélib ressemblent à ça. Hein. Tout comme le micro-pistolet, ça ne reviendra pas. Ah oui. Non. Quel dommage. Attention, chat méchant. Oh là là. Alors, et ça, par contre, ça va revenir. Voilà. Pour notre plus grand plaisir. Je ne dis pas comment, mais ça va revenir. Ah, faut pas spoiler. Bah non. C'est juste à gauche, il tourne à droite. Bien sûr. Oui, évidemment. Bah oui. Mais t'es qui? T'es Emmanuel Macron, quoi? Ah, un petit ralenti, Zack Snyder. C'est ça. Accroche-toi. T'as imaginé une Snyder Cut du Baltringue? Je pense que j'aurais envie de mourir. Bah, c'est ce que j'ai dit à Flo l'autre jour. Ouais, c'est ça. Release the Baltringue Cut. Non. Attention, ça va partir en lens flare dans pas longtemps, les gars. Et pas du petit, hein. Du Star Trek 2009, lens flare. Hein. Là, on est. Eh, Philippe Cura, petite vibe Karl Urban, quoi. Non, je... arrête. Arrête. Va falloir se calmer, la drogue. Hein. C'est plus possible. Non, mais je sais pas. Alors, j'essaye de faire comme Jess le mois dernier, qui trouvait quelque chose à dire entre Sergio Leone et le missionnaire. Donc, voilà, je sais pas. J'essaye. Ok, ouais, non, mais... Là, on dirait un plan de In the Mood for Love, hein, effectivement. Avec la petite balade à la guitare derrière. Bah ouais, là, on y croit. Ouais. Non, mais Parasite a tout pris à ce film, hein, en vrai, finalement. C'est Guillaume Gallienne, hein, il faut le savoir. Bon, non, non, pas du tout, mais... Je me ferai pas incroyable. Avoir deux fois. Hein. Ça aurait été incroyable, en vrai. Ouais. Ça aurait pas rendu le film meilleur, mais... Ça aurait été incroyable. Non, mais c'est bien, parce que là, on coche plusieurs cases du bingo, à savoir gay, et puis avec un accent. Mais on l'a vu déjà ce plan. Non, et puis on est quand même vraiment. Faut que je trouve un concept Jones. Oui, oui, non, mais rien que ça. Oui, oui, vraiment. Ok, Kyo. C'est... Non, ça c'était bien pire que Kyo quand même. Un peu de respect pour Kyo. Oui. On n'a pas chanté une dernière danse bourrée. Ah, j'ai hâte de voir la dame avec la flûte dans sa chatte. C'est faux, y a pas. Non, c'est dommage. Mais n'empêche qu'une fois au code vacances. Ah mon dieu, deux Vincent Lagaffe. Ah, c'est le multivers. Cet effet visuel pour montrer qu'il s'emmerde dans son bureau, c'est jamais vu en plus. C'est... Oui, non, bah. Et là, on voit qu'il y a du monde aussi, on voit que c'est professionnel. C'est une vraie émission. Pour une émission qui s'appelle La Star. Non mais avec le vent et tout là, c'est tellement évident en mode c'est l'élu. Oh. D'ailleurs, Laurence Fishburne joue pas mal son rôle de Morpheus là-dedans. Ouais, c'est vrai, on y croit. Hein. Mm. Oh, mais tu nous emmerdes, Vincent. Ferme ta gueule. Putain, ça fait 20 minutes, ça fait 10 minutes qu'on a. Alors, pour rajeunir, un truc de Jones. Genre toi. Vincent Lagaffe, par exemple. Waouh. Ouais. Et sans... Juste avec un micro comme ça. Ouais. Ouais, je sais pas comment la musique elle est faite, par contre, mais... Ah, il y a une cassette quelque part. Avec sa voix aussi. Ouais. La blonde, tu vas pas me faire croire qu'elle est jalouse quand même. Le jury derrière, il a l'air convaincu. Le jury derrière, ça a l'air d'être une troupe de. Ouais, une troupe de théâtre. Oh la vache! Antoine Daniel, s'il avait fait What the Cut 38. Allez. Allez. Non, ça va aller. C'est... Le management toxique n'existe pas. Non, bah pas du tout. Non, mais vas-y, ils m'ont pris la tête. Le téléthon, n'oubliez pas, 36-37. Levez-vous. Là-bas. Oh, les groupies. Oh, les groupies au fond. Gogol. Oui, c'est nous. Mais quel animateur de téléachat a des groupies, quoi. Allez. Philippe Cura, un seul rôle. Celui qui casse les bouches. La brute épaisse. Ouais, c'est ça. Eh non, mais les mamies, faut qu'elles arrêtent, là. C'est pas possible. Ouh, Vincent! Mais t'as vu la vitesse à laquelle il arrive? Il aurait pu l'écraser, là. Bah, et puis c'est surtout, il a mis 20 minutes à prendre sa bagnole et il s'est dit, je vais attendre, je vais lui laisser de l'avance et je vais le rattraper après. Et je vais l'écraser. Oui. Waouh ! Voilà, ce fondu enchaîné, c'est incroyable. Quel talent. Ah non, c'était l'époque où on découvrait Adobe. Ah ! Et là. Et voilà, le film démarre. Et là, le film démarre. Là. Et là, on va pas s'en sortir. Il peut, ça fait 23 minutes quand même. Voilà. Ah, road trip. On est sur un buddy movie, on va dire. Oui, bah, disons que si t'as jamais vu L'Arme Fatale, tu vas trouver que c'est une idée originale. Voilà, ça va sembler être une bonne idée. Si t'as pas vu Tango et Cash, ouais. Voilà, c'est très bien Tango et Cash. Bah oui, ah bah je dis pas le contraire. Hein, c'est drôle. Hey, c'est drôle, on va peut-être mourir. C'est drôle, on va mourir. Il a le droit, c'est monsieur Guy, il a le droit. Okay. Les plans, il y a plein de bagnoles et après il est dans au milieu de la campagne, ouais. Plan intérieur voiture autoroute, plan extérieur ouais. Départemental. Fantastique. Oui, tout à fait, tout à fait. Oh là là. Et qui s'appelle Orio le cinéma. Oh la vache. Voilà. Oh là là là là. Ouais. Ah, parce que c'est vrai que c'était drôle, salut Marcel. Oh, putain, drôle. Ouais, c'est. Ah, allez. Faut que je la ressorte, celle-là. Faut concentrer que moi, il y a que le lait. Exceptionnel. Ah ouais. Oh. Mais mec fait Jacques Chirac. Mais j'en peux plus. Non mais il est insupportable. Ah ouais. Crac crac, manger des pommes. Ah mais vraiment. Vraiment, lui c'est l'oncle bourré de soirée, mais il est tout le temps comme ça. Et il est sobre. C'est ça le problème. Compote de cul, compote salade de langue. C'est même pas des expressions, c'est du rien. Ouais. Quoi ? Et c'est Serge le Mytho Origins. Ah mais vraiment, vraiment. Oh la vache. Non mais imagine, le mec ils ont fait Paris Forge les eaux et il l'a pas emplâtré quand même, c'est fort. Non mais c'est ça. Non mais justement, c'est-à-dire, imagine tu fais un trajet de covoiturage et c'est lui qui conduit. Ah ouais. Oh putain non. Mais au bout de combien de temps vous pouvez me déposer à la première heure s'il vous plaît. Ah mais vraiment hein. Forceur. Forceur. Au revoir, monsieur. Donc il fait le marrant et puis en fait il est imbuvable. Ouais, c'est juste. En fait, c'est ça. C'est il. C'est juste un connard dans ce film. Oui, c'est ça. Ah, le Baltringue, ça porte bien son nom, mais... Ouais, ouais, voilà. Oh, quel ah beau ouais. Travelling. Oh là là. Las Vegas, ah, c'est... ou quoi? Waouh. Les 11 de l'océan ou quoi? Les 11 de l'océan. Crédit agricole. Ah, placement produit, crédit agricole. C'est ça. Vous regardez. C'est le Baltringue. Falloir qu'il apprenne à faire ses nœuds de cravate quand même, hein. C'est pas terrible. Ouais, là ouais. C'est. Non, c'est ouais. Pas... ouais, là c'est pas. Ouais. Mais c'est même pas voilà. Des vannes. Juste non, ça fait JP en anglais, IGP. Y'a pas de vannes, y'a rien. Bon, capillairement, le alors... chauve. Non. Il a non, fait un choix. Il a fait un choix. Déjà. La moustache est top. Ouais, il y a eu un choix qui a été fait capillairement et je respecte. On dirait pas du tout des mafieux, c'est bien. Moi, je fais pareil, mais avec des jetons de 2 euros, donc c'est moins impressionnant, forcément. Mais. Oh, mais ferme ta gueule, Vincent! Mais il est. Mais il est d'un sexisme puant! C'est lui qui l'a écrit? C'est lui qui a écrit les dialogues? Une idée originale. Probablement. Ah ouais. Oh, putain. Mini-jupe est de retour. Ouais. Mais heureusement qu'il a dit con avec lui, hein, quand même. Hein. Sinon, ce serait une fin de carrière. Ouais. Ce soir? Mais on est la journée! Il est 14h30. Ah mais, et puis, enfin, moi, ce que je comprends pas, c'est que l'autre, il est en mission. Pourquoi tu restes à côté de la gare? Non, mais c'est ça. Tu peux t'en aller. C'est, le mec, c'est le cancer de la discrétion, alors que t'es censé être un espion. Jackie et Michel? Ah allez. Non, merci, Guillaume. Ouais. Et il fallait... Et là, c'est le 3 qui sort parce que non, mais par contre, il faut le dire, que même pour la vanne, hein, y a quelqu'un qui fait ça, il va se faire éclater la gueule. Hein. Mmh. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Putain, ça, il est insupportable. J'ai pas eu le temps de jouer, mais. Oh mon dieu, c'est pas possible. Donc, on est sur une vraie vérité scientifique. La loi des séries existe. Hein, ça a été prouvé en 1993. Oui. Non. Lui au casino, je le tue. Ouais. Saul Kinsey, ok. Non mais... bon, déjà, un croupier, il t'empêche de toucher les jetons d'un autre, hein, à la base. Hein. Non, mais déjà, voilà. Là, il a reçu un coup de marteau en bois là sur la main, hein, clairement. Non, c'est clair. C'est impossible. C'est Monsieur Guy, ok. Ouais. Donc c'est pas possible. Ah ben voilà, une boîte de nuit en plein jour. La fameuse, hein, la fameuse boîte de jour. Ouais, butt shot. Ouais. Voilà. Hein, parce que il faut un clin d'œil MeToo à peu près toutes les 5 minutes. Oui, à peu près. Ouais. Et puis surtout, boss pas. Hyper naturel, hein. Acteur, hein. Acteur, le mec. Hein. Ça boit du coca. La honte, les bébés. En plus, la honte, parce qu'en boîte de jour, le coca, il est à 47€ le verre. Hein. C'est abusé. Ah ouais. drogue. Trigger. Non mais trigger warning, ceux qui font l'épilepsie, là c'est dangereux ce qui se passe. Ouais. Attention, la drogue peut vous faire voir double. Deux Vincent Lacaffe. Oui. C'est pire que un. Après, Bill le Big Deal peut vraiment être chez vous. C'est vrai. Oh putain. Oh mais non, mais pas le chauve, j'aimais bien sa moustache. Oui, mais si, il faut quand même une scène un indien dans la ville. Ça, par contre, l'administration française est plutôt bien dépeinte. Oui, ça, c'est pas faux. Attendez, je vous passe l'administration. Oh là là ! Non mais, c'est surtout, c'est un agent secret, le mec se fait griller, minute 1. C'est pas un très bon agent secret. Aïe, aïe, aïe. Du coup, Tom, on en est où là pour l'instant ? On est plutôt bien ou... C'est... Ouais, voilà. C'est affligeant. Ouais, on n'a pas encore. On va jusqu'au bout. On n'a pas encore fait la moitié. Hein. Non, dans 2 minutes. Ouais. Étrangle-le vraiment. Ah, il y a une perruque. Ah bah oui. Oui, on sait que t'es chauve, Vincent, c'est bon. Enfin, c'est... Tu feintes personne, mec. Hein. Non, mais... Mais à quoi tu sers, Seb ? Le mec... À quoi tu sers ? Donc, tout ça... Et donc ! Pour faire passer le fait qu'il soit chauve. Ben oui, enfin, c'est bon. Aïe, aïe, aïe, aïe. C'est vraiment le moment. Au secours, il vient de se faire tirer. Il s'est fait tirer dessus il y a 30 secondes. Ça, c'est des vrais bruits de pistolet. Hein. Oui. Oh là là, attention, ça fait du bruit, ça fait pan pan pan. Il réagit bien voir deux hommes de se faire tuer comme ça. Ils tombent pas, les mecs. Hein. Ah, voilà. C'est pas dommage. Alors, je m'étais mis un petit billet sur le fait qu'il sortait de la boîte de nuit et qu'il faisait encore jour. Voilà. Je suis content d'avoir gagné. Ah, putain. C'est ce qu'on appelle une nuit américaine, ça. Tu peux pas. Oui, oui, oui, ça doit être ça, ouais. Galéjade. Galéjade de la part de Vincent Lagaffe. Ça, c'est pour montrer son côté cascadeur sportif de l'extrême. C'est ça. Ouais. Rep à ça, The Fall Guy. Hein, Ray Gosling, hein. Et ouais. Il a tout piqué, hein. T'as bien l'air con avec tes cheveux, hein. Oh, le montage, putain. La voiturette, elle était à 150 mètres, et le plan d'après, elle est à côté. Non, mais oui. Aïe, aïe, aïe, aïe. Bah, et puis le montage, ouais. Mais en fait, c'est ça, aucune règle. C'est ça, c'est filmé comme si c'était ah, c'est dynamique, et en fait, fait non, c'est juste affreux. Oh là là, au secours, non, mais au secours, au secours. Oh putain, mais vraiment. Oh yeah. Enfin, au moment où on enregistre ça, Jim Abrahams est mort depuis pas très longtemps. Oui. Qui avait réalisé Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Je pense à lui très fortement quand je regarde le Baltringue en ce moment. Normalement, le bruit doit vous alerter parce que vous n'êtes pas parti depuis longtemps, messieurs. C'est ça. Mais c'était pour faire l'humour. Ah oui, c'était pour faire la rigolance. Le mec a lu le scénario, on lui a dit t'auras une flèche dans la jambe mais tu vas pas t'en apercevoir. Oui, oui. Pas de sous, vraiment. Et après, tu vas faire ah, ah, ah. À ton avis, non, il parle juste à la montre. Connard. Putain, il est con. En plus, il est con. Vraiment, il est détestable, Vincent. Et donc là, c'est l'autoroute. Voilà. À contresens, hein, évidemment, parce que... Oui, là, ça n'a aucun sens qu'il soit... Enfin, bref. Oui. Mais fais-le. Fais-le. Fais-le. Fais-le. C'est bien. Mais oui, mais... Sérieux. Mais s'il te plaît, tu rendrais vraiment service à la nation, là, je te le dis. Hein. Bah, c'est ça. Tu te fais décorer, hein. Légion d'honneur, hein, direct. Mais tape-le, putain! Le truc, tu crois que je rigole? Dis-lui juste, mais vraiment, James Bond, c'est un film? Moi, c'est vrai? Ah oui, effectivement, ça a l'air d'être un bel agent secret, lui, hein. Mais lui! Mais lui! Mais lui a pas dans la gueule! Fais-le! Il met des mains au cul du boulot! Oh, ah, il a dit titre du film! Il l'a dit titre. Oh là là! Et c'est Ethan Hunt qui vient d'arriver. C'est ça. Voilà. Et il repart. Tom Cruise. Tom Cruise. Au revoir! C'est ma... Mais on aura le point de vue. Faire une roue arrière, il est. Oh, incroyable! Aucune raison de faire une roue avant, une roue arrière, mais why not? Bah bien sûr. Si, mais dans Mission Impossible 8, on aura le point de vue inverse où on verra ouais. Ethan Hunt déposer les flingues pour Vincent Lagaffe. Hein. Tout est connecté. Non, hein. Si, si, ça a un intérêt de voir le mec faire une roue avant, roue arrière. Lagaffe faire oh. Oui, c'est vrai, c'est important. Il vous fait pas penser à Kev Adams mais bouffi. Attends, faudrait que je revoie là. Peut-être. Ah. Ouais, non. Bah, je sais pas, moi j'ai un peu ce truc là. Je sais pas. Voilà, allez, je prends un fusil mitrailleur, je vais défroyer un peu, ça va me... Ça va me détendre. Ah oui, des belles gonzesses qui jouent avec des énormes boules. Ok. Une garden party où tu joues avec un ballon de gymnastique. Voilà. Parce que pourquoi pas. Ah, encore des plans cul, hein, normal. On est... Et voilà. On est en 2010. Faut que le film retienne l'attention. Oui. Voilà, champagne et Kalachnikov, on est bien. Bodeltoïde. Histoire que les dames qui regardent ce film n'aient pas que Vincent Lagaffe en termes de corps à fantasmer. Hein. Ce sera compliqué sinon. Et puis pour bien montrer que le gars est russe, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, on s'est quand même dit on va lui mettre une chemise avec marqué CCCP. Quoi. C'est... Histoire d'être vraiment sûr. Attention. À défaut d'une étoile rouge, on va faire de la subtilité. Non, puis il n'avait pas Vladimir Poutine en tatouage, donc c'était plus compliqué, quoi. Ouais. Voilà. Ah oui. Il faut y aller. Putain de merde. N'oubliez pas de donner au Téléthon. Ah la vache. Même quand il souffre, c'est pas assez. Ta gueule. C'est du scotch de peintre, ferme ta gueule, arrête. Ouais. Ça ne fait pas mal. Ils ont filmé ça comme s'ils s'enlevaient le masque dans The Mask. Oui, c'est ça. Ouais. C'était un hommage. Ouais, j'ai dit aucun problème. Oui, mais t'as bien compris. Mais oui, ça va, c'est vraiment, hein, je... Ouais, d'accord, allez. Voilà. D'accord. Parce que pourquoi pas. T'as vraiment la musique, elle va pas du tout. On dirait une musique de Boulard. Oui. Ouais. C'est le petit jazz, la petite basse là. Bam. C'est celle-là avant le sexe. Oh, c'est vraiment, mais c'est Bill. Bah mais oui. You crazy son of a bitch. Motherfucking cocksucker. Très bien, faisons comme ça. Très bien, jouons dans un film de merde. See you, shithead. Mais du coup, pareil, là, imagine t'as OSS 117, le carnet d'espion et le baltringue dans ton CV. Cette chute. Non mais c'est... Mais si, c'est carrément illégal en fait. Mais oui, c'est... Le concept d'une clé universelle vendue à la télé, genre, hey, tu veux rentrer partout, c'est carrément légal. C'est... Bah non, c'est pas légal. C'est... Genre, tu veux rentrer chez des gens ? Bah oui. Tu veux aller violer des... ou quoi ? Oui, voilà, tu veux violer des propriétés. Avant de violer des propriétaires, donc c'est compliqué. Oui, bah, voilà, c'était ça. Oui, je sais. Oui, bon, je sais, donc je sais où part ton cerveau malade. Hein. Ah, on revoit le show avec la moustache. Let's go, mon personnage préféré. Ah, donc même là, c'est désamorcé parce qu'il connaît pas le code en fait, il fait de la merde. Non, mais c'est censé être un truc. Kylian Mbappé. Attends, oui, en direct. Mbappé, c'est dans le film, c'est incroyable. C'est dingue. Ah, bah ça quand même! Ah! Parce qu'il était temps! Mais ça fait pas si mal que ça! On t'a juste tiré le pull! Hein. Putain, mais Vincent, je vais te casser la gueule aussi! Hein. S'il le fait pas, je vais le faire! Franchement, je vais à la plaine Saint-Denis sur le plateau du Big Deal, je te pète les jambes. C'est vraiment... C'est clair. Ah ouais. Je te retrouve, hein. Je veux te faire quelque chose. Ça va mal aller. T'arrives, tu sais, tu lui colles un énorme pas, dis ça c'est pour le maltringue. Et des putes. Ah bah c'est. Hey. Non, ah non, c'est la meuf qui la meuf s'appelle Champagne. Ah oui, ah d'accord. Ah pardon. Eh oui, voilà. L'Américain, forcément, il boit un bon whisky. Mais il est insupportable. Même en faisant rien, il est insupportable. Ben oui, bien sûr. Mais pourquoi il est capable... Putain. Non mais vraiment, c'est insupportable. Mais il les démonte en moins de deux. Voilà, là, il vient de casser le pied de la cheville de quelqu'un. Ok. Ouh là là là là, c'est ça commence bien. Je suis un mec des bébés brunes, moi. Ben oui, et pas le chanteur. Et non. Donc celui que personne ne connaît. Mais ferme ta gueule. Il réagit. Je pense que c'est un sociopathe. Oui, c'est ça. Parce que moi, je pense, hein, ils vont défoncer le petit, hein, t'inquiète. Oui, voilà, et il se met à chanter comme ça. Genre, mec, ta vie est en complètement danger, hein. Mais vraiment, bute-le, butez-le, butez-le. Vraiment? Tirez-lui dessus? Il est tout seul, tirez-lui dessus! Mais c'est clair! Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Et il le rattrape là, tu sais, il se barre. Non, on te rattrape parce qu'on est dans le jardin. Il faut exactement la même scène. Ouais. Wow. Enculé? Ouais, mais il a une belle moustache. C'est Guillaume Casbarian, en fait. Ah, oui. Enculé. Ah. Oui, oui. Ah oui, enculé, effectivement. D'accord, oui. Le mec, il a une arme nucléaire dans les mains et il est en... Excellent. Il le pousse comme une vulgaire merde, et puis les autres, oh putain, on a le droit de reprendre les flingues, vite, vite, vite. Mais pourquoi ils et ont pas juste les suivi poursuivre. Mais oui. Oui, c'est ça. Oh les et l'eau de merde. Non mais voilà, l'eau ne va pas avec l'eau dans laquelle ils viennent de plonger, donc ça n'a aucun sens de faire ça. Non, mais ça, c'est une technique qu'ils ont piqué à James Cameron. Ah bah oui, non, mais là, on n'est pas du tout au fin fond de l'océan, là. Non. Et pendant ce temps-là, à Veracruz. Mais... mec plonge dans un étang, et après, c'est la mer. Non, mais... tu sens parce que le c'est un étang qui donne sur la mer. Tu le sens, le stock shot qu'ils ont acheté, là. Non, mais, non, mais c'est ça. Non, mais franchement... Je pense que c'est juste des trucs de photos des vacances de Vincent Lagaffe, et c'est... Oh, on va les mettre ça. Là, c'est une bonne idée. Ouais, t'es allé aux Seychelles. Parce que j'ai envie de faire profiter les Français. C'est des plans de quoi, là? Qu'est-ce qu'on regarde? Vacances aux Seychelles. Mais genre, oh, on sait pas où ils sont. Oh là là. Le lac fait 20 centimètres. Et ils ont nagé sous l'eau tout le temps. Hein. Et ouais. En plus, on peut pas être discret parce que t'as Vincent Lagaffe qui est toujours en train de gueuler. Ouais. Ils auraient dû voir des bulles. Bah oui. Ouais, j'en peux plus non plus, Vincent. Ouais, non. Il est temps d'arrêter, c'est ce que, Vincent. C'est ce que le public dit à ce moment-là du film. J'en peux plus, Vincent. Je suis fatigué, chef. Ouais, c'est ça. Mais ferme ta gueule, putain, même... Même comme ça, c'est... Même quand il respire, il m'énerve. Pourtant, moi, j'ai rien contre l'animateur Vincent Lagaffe, mais dans ce film, je peux pas. Il a même des concepts... voilà, enfin, moi, le Big Deal, j'ai beaucoup rigolé devant, mais non, calme-toi, arrête. Oh, et l'autre, il re-règle... Oh. Il re-règle sa bagnole, non mais c'est... Oh. Ça... Oh ah bébé, ah le bébé. Oh non, putain. Mais et du coup ça contraste totalement avec ce putain de montage au début quand il est dans la voiture et qu'il fait son monologue là avec le montage de merde. Où il fait, alors là non, alors là c'est sens interdit. Voilà, donc en fait il est cantonné à ça. What a fun set of fucking ass! Wow! Mais ça passe combien de fois par jour son émission de merde là? Ah bah si c'est alors, une chaîne de téléachat, c'est 24h sur 24. Alors j'irai même plus loin, c'est que quand tu regardes par exemple le télé-shopping, genre ça commence à 5h et ça termine à 10h30, 11h. Hein. Donc c'est quand même assez... Alors, le site internet allogui.fr n'existe plus. Hein. Je viens de vérifier. Ah, oh, c'est dommage. Et ben voilà. Voilà, encore un mythe qui s'effondre. Oh, mais ça va être à la mort très vite, Vincent, si tu continues. Oui. Ils sont changés vite fait, quand voilà. même. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux bien fermer ta gueule? Quel connard! Vas-y, je te donne là où je suis. C'est nickel, y a pas de souci. Mais oh, oui, tu arrêtes! Tu arrêtes! Je n'en peux plus! Tu oh, arrêtes! Son personnage emblématique de singe. Oh. Tu sais, la limousine, on sait très bien qu'elle n'est pas ni aux Russes ni à l'Américain, elle est notée dans le 93. Donc. Oui, clairement, oui. Donc arrêtez un peu. Ok. Ouais. Il n'a pas fait de la télé-réalité, ce con, parce qu'il a une gueule à avoir fait de la télé-réalité, lui. C'est en possible. En tout cas, pour un russe, il n'a pas d'accent russe. Hein. C'est un peu non, dommage. Ouais, non, vraiment. Non, mais c'est pour pas discriminer, en fait. Ah oui, non, effectivement, il n'est pas. Putain, t'as grillé ma couverture, t'as qu'à prendre une couette. Au secours! Oh, c'est ça! Donc Igor n'est vraiment pas russe puisqu'il s'appelle Frédéric. Frédéric Vilchez ou Vilchez. Oui, allez, ta gueule, Noom. C'est vraiment le moment. Hein. C'est vraiment le moment de l'émotion. Oui. J'en peux plus. Il reste 19 minutes. J'en peux plus. On est à l'heure de jeu. Ouais, beaucoup trop. Super. Et donc? Alors, pour voilà. L'émotion, tu mets au piano une petite musique d'ascenseur, ce serait sympa. Ce serait vraiment bien. Pourquoi il marche comme ça? Mais il marche mal, il dort mal, il est insupportable. Il joue mal, tout. Ah si, tu rigoles, mais y a rien de drôle. C'est tout à l'heure qu'il y a la petite vanne avec Sarkozy où il tire dans la gueule, je crois. Non, je suis un agent secret, connard, je te l'ai dit. C'est le principe d'un agent secret, espèce de fils de pute. Non mais vraiment, le montage, là, même dans la salle, le petit montage, vraiment, j'en peux plus. Ouais, non, le petit montage, tu sais, un petit peu à la Cyprien, tu fais, bah non, arrête. Ouais, non mais vraiment, c'est ça. Faux! Waouh. Ça, c'est Norman, ça n'a rien à voir. Il y en a un qui a encore une carrière et l'autre qui est en Thaïlande. Oh, waouh. Avec Bruno Attal? Probablement. Oh! En tout cas, il a fait sa vidéo d'excuses depuis la Thaïlande, hein, donc. Oui, c'est vrai. Ça, c'était un grand moment aussi. Si vous faites du react aux vidéos YouTube un jour, on refait celle-là. Il y a moyen d'avoir un raid. Il arrête pas de picoler. Bah, c'est normal, il est américain, il boit du whisky. Ouais, puis il est dans le baltringue. Hein. Bah oui. Le mot de passe, c'est ma grand-mère est une ivrogne. Ouais, ouais, ouais. Putain de ouais, sa ouais. Race. Putain, imagine, t'es dans ton bunker et t'as une photo de Sarkozy, quoi. C'est terrible. Ouais. Une table et des chaises. Une kinoton. Voilà. putain. Effets spéciaux, le budget. Oh là là là là. Ce qui n'a aucun sens d'ailleurs que ça ait traversé, ça aurait dû exploser au mur. Oui, bon, on est plus. Ça aurait dû défoncer plus... l'appartement. On n'est plus à ça près. Oui, mais un film qui de base. Ah ouais, non, merde. Un film qui éclate la gueule de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'on aimerait pas un peu? Est-ce que finalement il a que des défauts? Il y a pas de verre dans son cadre. Non, il y a rien. Non. Là, il y en a un. Oui. Putain. Oh, et le salut. Ah, mmh. Mais l'odeur du film, hein, vraiment, c'était... Ah. Mets-lui une balle entre les yeux. S'il te plaît. C'est légal, mec, t'as dit que tu pouvais. Oh, mais vas-y. Vas-y, c'est maintenant. On te met une balle. Et donc, normalement, il y a toujours à un moment donné, dans ce genre de film... T'as la gaffe qui se réveille, qui vraiment le sauve, etc. Rien pour l'instant. Il se passe rien. C'est toujours un putain de boulet, cette merde. Ils sont 10. Allez, Rouen. Ok. Ah, des Toki. Ah, la vache! Putain, c'est des vrais agents secrets. Hein. Ouais. Ah, très discret. En zep, très discret. Ouais. Waouh. Oh, les ralentis. Putain, c'est beau. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. J'ai vu un mec avec un costard et un autre avec un débardeur. J'ai vu Maître Gims. Oh, ou c'est Big Ali, je sais pas, je confonds. Va te rhabiller, Zack Snyder. Oh bah. Wow. Split screen, Brian De Palma. Mange ta race, Brian De Palma. C'est terrible ce que j'entends, là. C'est terrible ce que j'entends. À deux doigts de voir un compteur et d'entendre tit, tit. Parce que tu es belge, Jean-Luc. Mm. Et tu t'appelles Jean-Luc. C'est vrai que ça aide pas. Hein. Hey, tu veux me chercher, je suis là. Allez, go, go, go. Mais ferme ta gueule. Waouh. Cinéma. Non mais cours, espèce de connard. Arrête de faire chier ton monde. Ouais. Oh non. Là par contre là oui c'est chiant. Ouais. Autant le filet ça va, autant là oui non fais chier. Juste le filet ça passe hein mais. Google putain. Mais il est fou. Il est fou. Oh, putain, mais ta cet gueule. Homme est fou. Remarque, producteur, réalisateur, créateur, qu'est-ce que tu veux, il fait ce qu'il veut. Et voilà. Les chats reviennent. Voilà, c'était, ah oui, c'était c'est les chats méchants. Oui, c'était. Ah ben, et voilà, c'était ça. Ah, hommage à Mbappé. Ça va être un kink. Oui. Le ballon en effet spéciaux, vraiment, il est... 1-2 et 3-0. Hommage à Fabien Otoniente. Voilà. Je n'ai pas vu 4-0 d'ailleurs. Eh ben, moi non plus, et ça tombe bien. Ah. Et c'est tout de suite non, Tom. J'ai rien dit. Non, mais on savait à quoi tu pensais. Prochain drôle vraiment, 4-0. Oh putain, allez. Normalement, t'es un vrai mafieux, tu les butes, les jeunes mais de oui. cité. Ah mais vraiment, T'en mais as rien à largement. foutre. T'en T'en tues au as moins un balèque pour que les totale, autres, t'en tues un pour que les autres continuent de fermer leur gueule histoire de pas gâcher les balles, minimum. mais oui. Putain, c'est la gaffe qui va les sauver, quoi. Oui, voilà. Et oui. À moi. Shoot the bitch. C'est un subtil hommage au Big Deal. Le cadeau, le rideau. Ah, on sait pas. Non, par contre, même pour la Non, vanne, non. là, bon, le réacteur nucléaire au-dessus de la flamme, j'aurais pas tenté. Ouais, non, je suis pas. En même temps, c'est à Rouen. Bon. Ah oui, mais depuis le début, on dit. Ouais. Fais-le! Ok. C'est Bernard Farcy dans le Baltringue, là. C'est ça. Ouais, s'il vous plaît. Ok, Kratos. Vaincu! Oh, l'acting! Oh putain, l'acting de fou! Ah, la résolution de merde! Ah ouais! C'était vraiment bien. Non? Non, c'était oui. Alors, l'action se passait à 23h30 et ils les embarquent au petit jour. Putain, Oui, bah c'est le ils en temps, ont ils ont rien branlé pendant 6 c'est le temps de heures. faire les papiers. Voilà, C'est le temps de ils faire les ont. papiers. Ouais. Putain, ça ressemble à rien. Ah, vraiment, Non, bah c'est non, terrible ce qui se non, non. passe. Là, c'est vrai que le commentaire, on n'a pas trop parlé ces deux derniers instants, mais qu'est-ce que tu veux dire face à ça? Il n'y a Ouais, rien. C'est rien. Il y a affligeant. rien à dire. Il y a. Ah, Dominique de Villepin. Revoir. Mais une baffe! Mais une baffe! Ah, voilà. Merci. Merci, film. Ouais, merci. Attends, mais comment ça tu veux dire qu'elle est métisse, c'est ça? Et donc oui, non, mais... c'est impossible, un blanc avec quelqu'un qui n'est pas blanc. Tu veux dire c'est pas sa nièce? Tu veux ça dire c'est pas sa fille? Quoi? Waouh. Oh les ah, poils, wow. Oh les cheveux de Vincent Lagaffe, c'est dramatique là ce qui se passe. Ouais. Oh, non, là, t'es là. Con mais je t'adore pas, non. Ah oh, les tongs blanches, j'adore. Avec le fameux vélo moche. Ah le vélo est de retour, ouais. Il sert à rien mais il est là. Oui, et puis on a aussi le petit plan sur je fais peur à des pigeons. Ouais. Tu ne parles plus au téléphone. Ouais. Un gros con. Ah là, c'est le film. Oh là là là oh là là, mais l'odeur de la phrase. Qui c'est qui va danser avec Tonton? Qui c'est qui va toucher le levier de vitesse de Tonton? Oh là là. Ah, une belle accrustation d'effets spéciaux encore, on y croit. Hein. Oui. Ah oui, et puis Rouen 8, Juventus 3, bien sûr. Mais c'est quoi cette porte en plein milieu? Mais en plus là, avec tout le monde qui est habillé en blanc machin, on dirait une secte. Hein. Là, on est dans Midsommar là. Oui, c'est ça. Regardez Midsommar soirée, d'ailleurs. Ou une soirée d'Eddie Barclay, c'est... Oui, c'est... ouais, ouais, c'est au choix. Alors, je pencherais plus Eddie Barclay parce qu'il doit avoir de la drogue quand même. Oui. Probablement. Ouais, mais il y a des bouteilles de cristalline, donc bon. Ouais, ça va. Voilà, donc c'est la fin tranquillement du baltringue. Hein. Ouais. J'espère que vous avez apprécié. L'intrigue de la nièce, du coup, avec la chanson, n'est jamais revenue au passage. Non, ça n'a eu aucune conséquence sur rien. Et finalement, il a trouvé son concept pour les Jets ou pas? Maintenant, il est devenu agent spécial, t'as pas suivi? Ah merde! La Dream Team! Ça nous a pris 10 minutes de film quand même, ça, donc pour moi, il faut qu'il ait un concept. Oui, puis aucune question sur rien, il s'est fait kidnapper pendant un mois pour être torturé. Oui. Personne n'a jamais remarqué, alors qu'on sait qu'il a des fans, on les a vus les vieilles. Bah ouais, c'est ça, je sais pas. Voilà, ils ont c'est. Mis des rediffusions, les vieilles captent pas les rediffusions. Ah, c'est possible. Bref, c'était le baltringue. Ah. Alors, toi qui l'as jamais vu, du coup, Tom, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais il y a déjà une chose qui est sûre, c'est que je ne le re-regarderai pas. Ah oh. Voilà. Tu dis ça, je me disais ça, hein. Eh ben, n'empêche qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Ouais, mais parce que on t'a fait une offre que tu pouvais pas refuser. C'est vrai, venir pour rien, gratuitement. Ah, ils ont même invité les Russes. Ils ont même invité les Russes. Alors, non, mais c'est n'importe quoi. Ouais, pourquoi ils seraient là? Non, mais ça, c'est des prises de vue post-tournage, en fait. Ils se sont dit, tiens, on va mettre ça en bonus à la fin. Oh la vache. Ouais, et du coup, est-ce qu'on est obligé de répondre à la question ou pas? C'est le but de votre podcast, normalement. Hein, c'est un peu le but du podcast, hein. Ouais, mais après, normalement, vous avez bien vu, voilà, vous avez bien, si vous avez bien suivi, vous doutez un peu de la réponse. Donc, ben, on va commencer. Et honneur aux invités, Rémi, est-ce que tu as trouvé ça drôle, vraiment ? Comment dire non ? Plein de fois. Mais... Attention, on a une scène post générique, là. Oh voilà, c'était pour montrer qu'ils avaient une vraie alchimie. Non, pas du tout. Oui, c'est ça. C'est surtout pour teaser, en fait, une suite qui n'arrivera jamais, quoi. Faut jamais dire jamais. Quand on tournera la suite, là, le mec, oui, bah, il croyait sincèrement qu'il allait faire le Baltrang 2, quoi. Le big deal, là, qui revient, il va cartonner, et le gars, il va dire, tu sais quoi ? Le Baltrang 2, ça fait 14 ans que j'ai le scénario qui est prêt. Eh ben, il sort là. En vrai, ouais. Il est chaud. En vrai, c'est pas impossible. Non, mais oui, c'était... Du coup, oui, pour répondre à la question, non, évidemment, c'était vraiment, mais... C'était affligeant. Et d'un point de vue technique, je pense que c'est vraiment particulièrement inepte, quoi. Vraiment, c'est... Le montage, il est catastrophique. C'est dégueulasse. Ouais, non, vraiment terrible. Non, bah ouais, effectivement, moi non plus, c'est pas drôle, il y a tout qui tombe à plat. La gaffe qu'en fait des caisses, c'est clairement mais... son spectacle. Hein, ah mais vraiment, mais fait, une tonne. Mets-toi sur une scène, et puis fais un one-man show, c'est tout. C'était vraiment très très mauvais. Mais maintenant, c'est la vie, on va dire, qui nous intéresse le plus, puisque nous, on l'avait déjà vu, on savait à quelle merde s'attendre. Toi, Tom... Toi qui viens d'être dépucelé du Baltringue, est-ce que t'as trouvé ça drôle vraiment ? Et je suppose que c'est oui. Aucune surprise, évidemment, le film de l'année. Bah voilà. Ah oui, bah, voilà. Voilà. Et heureusement, on enregistre en décembre, tu vois, il était temps d'avoir quelque chose qui step up, qui hausse le niveau. C'est vraiment de la merde. Et heureusement qu'on était tous les trois, tu vois, pour un petit peu se renvoyer la balle, mais je me demande quand même ce qu'une expérience sociologique, tu vois, avec une grande salle de cinoche, 400 personnes, tu vois, là-dedans, chauffées à blanc, dans une ambiance de nanar, est-ce que ça rendrait quelque chose ou pas? Parce que le film, clairement, il a pas l'étoffe d'un nanar, mais pourtant tu te dis que 400 connards comme nous dans une salle, il y aurait quand même de quoi rigoler un petit peu, je pense. Quand tu dis chauffer à blanc, tu veux dire que genre il y aurait un mec sur scène avant qui aurait fait bip bip, par exemple. Mais, par exemple, vous, quoi. Voilà, vous faites une séance cinéma, vous montrez une belle comédie française et puis vous montrez ça au public, quoi. Alors, on respecte un minimum le public, je pense. Tu tentes une palardie, tu t'essayes de faire venir Vincent Lagaffe à une projection comme ça du Baltringue, tu vois s'il accepte ou pas de revenir sur le four qu'a été son film, quoi. Alors, le four, pas du tout. Alors, pas du tout, monsieur. Le four, j'ai devant moi le nombre d'entrées. 41 000 entrées. Oui. Donc c'est pas un four du tout. c'est affligeant. Voilà. Et Ce film est décrit comme un mélange entre La Chèvre, L'Emmerdeur et l'Opération Cornet de Bif. Oui, c'est ça. Mais ferme ta gueule, voilà. Vraiment, film, non. C'est bien quand tu l'as arrêté. Et le film est classé numéro 1 dans le top des pires films français de l'histoire sur Sens Critique. Ben oui, c'est pas étonnant. Alors, il est sorti en 2010, il y a eu deux drames en 2010. Il y a eu le Baltringue et puis il y a eu la Coupe du Monde de foot des Bleus en Afrique du Sud. Voilà. Pas une bonne année pour la France, hein, on va pas se dire. C'est vraiment pas une bonne année pour la France. Ouais. C'est clair. Putain, je regardais 4 millions d'euros de budget. Je trouve par contre que pour 4 millions, ils ont fait beaucoup avec peu de pognon. Et le Baltringue a une chronique sur Nanarland. Ah, ok. Mais pas oui, vous le déconseille à la fin, vraiment. Oui, c'est vrai. Ah bon vraiment... Oh non. Et honnêtement, c'est ce qu'on va faire aussi, hein. Enfin, maintenant, voilà, on aura obligé les gens à le regarder pour poursuivre le commentaire audio, malheureusement, mais c'est pas sûr qu'ils nous remercient non plus. C'est clair. Bon, on arrive tranquillement sur la fin de cette émission. Oui. Alors, ta première expérience avec nous, Rémi. Dernière expérience. Non, toujours un plaisir. Bah, j'ai pas écouté tous vos épisodes, mais j'ai écouté un petit peu parce que on se connaît via Keski à la base. Et puis Flo, tu es déjà venu plusieurs fois sur Nanarologie. Tom, tu le seras très bientôt aussi, puisqu'on va faire les gaous, hein, encore une fois. Donc ça va arriver, hein, c'est inévitable. Mais non, bah, comment... Je pensais que le mec allait m'inviter pour des trucs bien, genre Whitefire ou Portée disparue. Non, non, c'est pour les gaous qui va m'inviter. Non, mais par contre, vraiment, je vous encourage fortement à ce qu'il y en ait un de vous deux qui devienne mature assez pour dire, bon, est-ce qu'on se ferait pas une bonne comédie française ? Juste parce que là, si vous continuez de creuser, vous allez finir par vous détester. Et je ne le souhaite pas. Je veux que vous continuiez longtemps. Ah non, donc, non. Pour l'instant, moi, je prends plaisir à lui infliger les pires merdes. Et je pense qu'il me le rend assez bien, tu vois. Ouais. Non, mais attends, on fait des émissions qui, grosso modo, durent 40-50 minutes grand max. On essaye quand même des fois d'élever un peu le niveau et d'essayer de trouver des choses qui font ressortir un petit peu le film. Voilà. Alors, sur certains, ça a pas été le cas ou ça a pas été simple. Oui. Mais voilà. On n'en est pas encore à se jeter des tomates à la gueule avec Flo. Non, ça va. Mais bon, 2025 commence à peine, hein, donc évidemment, oui, tout est possible. Attention. Il y a le temps d'avoir le film qui... Ouais, on va pas... Oui. C'est fini. C'est clair. où est-ce qu'on te retrouve, Rémi ? Alors, au niveau des réseaux, ton actu, normalement, vas-y, c'est ton maman. Normalement, à ce moment-là, nous ne serons plus sur Twitter, donc on devrait être sur Blue Sky à ce moment-là. Donc probablement, @nanarologie... voilà, ce genre de choses. Et on a un Discord, voilà, et ça se passe très bien. Et en termes de diffusion, toutes les deux semaines, on est sur quasiment toutes les plateformes, plus YouTube. Et ça se passe vraiment très très bien. On est très heureux de la dynamique que rencontre Nanarologie. Et c'est toujours un grand plaisir. Toujours ces commentaires sur YouTube, mais le film... Mais oui, et le film, et pourquoi vous mettez pas le film ? Vous êtes idiot ! Et tu fais, c'est illégal, en fait, c'est illégal, tout simplement. Mais ouais. Parce qu'on se ferait striker en 2 minutes. voilà, globalement, c'est un peu ça. Pourquoi vous mettez pas l'intégralité de Fast and Furious dedans ? Je fais, parce qu'on va se faire poursuivre en justice, en fait. Non, c'est pas bien. Sachant que c'est le seul. Qu'on fait. D'ailleurs, anecdote intéressante, le seul épisode sur lequel on s'est fait strike en vrai, c'est celui sur Parole de flic avec Alain Delon, puisque à la fin on avait diffusé en générique de fin, j'avais mis la chanson Comme au cinéma d'Alain Delon en intégralité. Wow. Et ben on a eu des droits d'auteur, une remarque sur les droits d'auteur sur cet épisode. C'est seul ou c'est le cas ? Oh la vache. Ouais, tout à fait. Donc c'est comme quoi finalement on peut pas diffuser n'importe quoi sur YouTube, hein, malheureusement il y a des règles. Et voilà. Heureusement ou malheureusement, voilà, il y a des règles. Mais moi, je trouve que ça a été courageux de lancer Nanarologie parce que il y a un grand frère qui fait beaucoup d'ombre, qui est Nanarland, et donc c'était pas simple aussi d'arriver sur ce concept-là des nanars, parce que forcément, enfin, vous risquez la comparaison à chaque fois, quoi. Donc c'est plutôt cool d'avoir donné aussi une autre vision des nanars, parce que il y a tellement à apprendre là-dedans, tellement à boire et à manger. Oui, en fait, c'est ça. C'est sans fin. On voudrait faire des films qui sont pas sur Nanarland globalement. Bon, il y en a où ça arrive, hein, évidemment, parce qu'au bout d'un moment, on finit par laisser, on laisse les chroniqueurs choisir des films. Donc des fois, on fait des nanars qui sont connus, mais on essaye de faire des trucs pas trop évidents. Voilà, c'est ça un peu l'intérêt. Donc des fois, on fait vraiment des trucs. Tu te dis, mais comment ça se fait que vous connaissez l'existence de cette merde? Et la réponse, c'est parce qu'on est des cinglés, voilà, simplement. Donc oui, c'est ça la vraie raison. Tout à fait. La réponse, c'est soit on est des cinglés, soit on connaît Gravelax. Oui, c'est ça. Ouais, vraiment, c'est ça, tu vois. Eux, par exemple, ils feront pas un film sur la comédie Jeff Panaclock. Et nous, on s'est dit, on va le faire. voilà, c'est tout simplement. Enfin, au bout d'un moment, faut y aller, faut le faire. Oui. Mais c'est d'où les Gaou, ils oseront pas, donc tu y vas gaiement, quoi. Ils ont fait les Gaou, il me semble. Ah, ils ont fait les Gaou. Ah, c'est autant possible. Pour moi. Attends, je vais tout de suite regarder. Ça me surprendrait pas qu'ils aient fait quelque chose. Il y a une chronique de Nanarland sur les Gaou. Parce qu'en même temps, les Gaou, c'est tellement, Ah oui, c'est. C'est obligatoire, quoi. Enfin, vraiment, tout simplement. C'est un film incroyable. Mais ouais, voilà, on aime bien. On essaye de faire des trucs. Et puis là, on s'est mis justement un peu à la lecture. On fait du commentaire, nous aussi. Mais on essaye de diversifier un petit peu. La lecture de scénario, c'est quand même top. Hein. Je veux dire, là, tu m'as hypé de ouf, là, en me. Franchement. Bah, merci. Que vous aviez fait la lecture de Doute, chronique du sentiment politique. J'étais, waouh, ça c'est. Bah, en lecture, on l'a fait deux fois. Ça, ce sera du coup la deuxième. On l'a fait la première fois, mais il y a plusieurs années. On avait lu un roman qui. Moi, j'avais vu le film et j'avais tellement aimé que j'ai acheté le roman parce qu'en fait, c'était une parodie de Twilight. mais pas une parodie en mode comédie, c'est vraiment quelqu'un qui a voulu faire son Twilight. Et en fait, il voulait faire croire que c'était une adaptation. Donc, il a fait le film et après, il a écrit le bouquin très rapidement où il a juste copié-collé le script pour faire croire que le film était une adaptation de bouquin. Et du coup, on a lu le bouquin entièrement et globalement, c'est Twilight, mais tout le monde est obsédé par la religion et l'héroïne, spoiler, a le super sida qui existe dans l'univers. Et à la fin, elle se fait mordre, elle devient vampire, tout va bien se passer. Mais voilà, c'est genre de conneries. On va essayer de diversifier un petit peu notre contenu. Évidemment, on va toujours parler de films. Hein. Mais je te l'ai déjà dit, moi je suis totalement partant pour faire de, entre guillemets, de l'acting de merde dans ce genre de conneries. Ah ben vraiment. Mais en plus, on a des trucs à lire. J'ai un bouquin sur Cross, qui est un film français avec Michel Sardou. Ah oui, voilà. Il paraît que c'est terrifiant comme film. Oui, oui. Il est vraiment très drôle. Lui, par contre, je vous encourage à le regarder. Ah oui, il est pas drôle, mais il est drôle. Recommandé. Ouais, il est chaudement recommandé. Ouais. Mais voilà. Donc avec grand plaisir. De toute façon, le monde du podcast est un petit monde. On va finir par se recroiser un moment. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire dans le futur? Vous le savez, faites des annonces, là, intéressez votre public, c'est maintenant. Alors Flo, oui, tiens, vas-y Flo. Oui, moi, dans Drôle Vraiment, et puis pour l'instant, c'est à peu près tout. Je me laisse un peu de temps, voilà. Des fois j'annonce des trucs, des fois j'annonce pas, là, flemme en fait. Donc non, pour l'instant, on va attendre d'avoir un petit peu moins de pression sur les épaules, entre guillemets, que ce soit dans le monde pro, dans le perso, pour pouvoir lancer des trucs sereinement. Et puis voilà. Fin décembre, le 25 décembre dernier, nous avons sorti notre épisode des films de Noël chez Baby Graveur, où on a chroniqué 12 films supplémentaires. Oh là là! pour la troisième année. Alors oui, pour ceux qui nous suivent pas encore, chaque année, chacun des chroniqueurs balance trois films de Noël. Donc on doit se fader, se regarder ou re-regarder les 12 films quand on veut dans l'année, et on les chronique tous et on en parle. Le 25 décembre, voilà, autour de la bûche de Noël. Et il y avait du lourd cette année. Cette année, il y avait du lourd. Alors je ferai une petite coupe, et parce que faut que je me retrouve les films. Ah. Je vais vous redire ça. Parce que je les connais pas tous par cœur. Ce 12 films de Noël. Bah nous on a fait un truc de Noël aussi. Mais bon ça paraît, tu peux couper. On a fait un truc qui s'appelle Les trois chiens de Noël sauvent Les trois chiens mousquetaires sauvent Noël. Oh la vache. C'était d'une violence. C'était probablement un des pires trucs qu'on ait jamais fait sur le podcast. Vraiment. Et il dure 1h50. Oh la vache. Non, vraiment, il est incroyable. Il est dur. Mais il était d'une violence. C'était horrible. Ah bah moi, de toute façon, la liste était déjà faite, donc j'ai pas pu rajouter, mais l'année prochaine, je leur impose les Chaventuriers de Noël. Ou un Ah non. On l'a fait à Noël dernière. Oui, mais c'est grâce à vous que j'ai découvert l'existence de ce film. Et ils vont le prendre en pleine gueule. C'est obligatoire. Ça va être la violence, les Chaventuriers de Noël, donc je préfère prévenir. Ouais. Et cette année, alors on a chroniqué Rampage, le sang du châtiment. C'est un Friedkin, je crois. 3615 Code Père Noël. À la base. Ouais. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. The Night Before. Miracle sur la 34e rue. Là-bas. Un grand classique. Ouais. Santa et compagnie. Oh, ça va. Oui, de Alain Chabat. Bad Santa. The Holiday. Les Chroniques de Noël, Violent Night et Maman, j'ai encore raté l'avion. Mais il y a Maman, j'ai raté l'avion, pourquoi vous faites la suite ? Parce qu'on a déjà traité Maman, j'ai raté l'avion il y a 2 ans. Donc on a fait la suite. Voilà. Tout simplement. Voilà pour notre épisode de Noël. Et puis début janvier est sorti notre épisode classique du premier du mois, où on a parlé du film The Mist de Frank Darabont, tiré d'une nouvelle de Stephen King. Oh, très bien. Bah ok, bah, calme-toi par contre. Non, mais des bonnes choses, c'est bien. Mais on peut pas faire que des podcasts sur les trucs nuls, hein. Et on faut faire aussi des trucs bien. Bien sûr, à un moment donné, faut contrebalancer. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des fois des films bien quand même. Oui, ça c'est sûr. Oui. T'as raison. Ça. Et pour l'instant, pas d'idée de film pour le mois de février. Je pense qu'on verra ça et puis on vous proposera ça quand ça sortira le 15 février. Exactement. Après Saint-Valentin, donc les célibataires, n'hésitez pas à regarder le Baltringue avec nous. Et non. On fera pas Love Actually. Une comédie française de Saint-Valentin. Putain, ce serait top, ça. Allez, c'est parti. On cherche ça. Quelle bonne idée, on va chercher ça. Ça va être super, j'en suis sûr. Ouais, évidemment. Oh, oui. Comédie française avec de l'amour, ça va forcément être bien. C'est ça. Ah, la phrase de dépressif de Flo. On va bien rigoler. Ah non, ça va mal se passer. La grosse marade. Bon, bah, impeccable. Et Rémi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très gentil à vous. La porte est grande ouverte. Tu reviens quand tu veux. J'aurais pu dire la porte est grande ouverte. Tu te barres maintenant. Mais non, tu vois, j'ai dit la porte est grande ouverte. Tu reviens quand tu veux. Tu vois la porte ? Allez, tu te casses maintenant. Allez, tu t'en vas maintenant. Dégage, non, merci. Avec grand plaisir, en tout cas. Tu fais comme Nobel Train. Suivez. C'est ça. Je suis le Vincent Lagaffe du podcast. Là, vous avez juste envie de me casser la gueule. Avant de... C'est moi ou ça a coupé ? Non. Ah, moi, j'ai pas. Non, non, c'est juste. C'est rien. Bah là, c'est tout, il a fini. C'était juste un gros blanc, en fait. Ok, d'accord. C'est ça. Bon, bah, super. Du coup, on coupe ou. Parce que moi, j'ai toujours pas coupé. On se dit au revoir et puis on coupera après. Ah, parfait. Allez. Et ben, salut à tous. Salut, à la prochaine. À bientôt. Ciao. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? «